Faisons une petite gageure. Et sur quoi? Sur votre indifférence. Je parie qu'elle ne tiendra pas contre les charmes de ma maîtresse. Je suis trop galant homme pour parier à coup sûr. Je suis plus sûre de mon fait que vous. Nous allons voir, nous allons voir. En attendant, je vous souhaite le bonjour. Vous avez bien fait de ne pas gager.